Tony, bonsoir. Bonsoir. On t'a découvert en tant que Tony Verdâtre, l'orque du chaos, joueur de banjo au sein du Nahulband, le groupe qui s'est créé autour du donjon de Nahulbuk. Mais tu es aussi à l'initiative du projet métal Cantis, dont le premier album, The Cosmos Inési, est sorti il y a un peu plus d'un an. Quels ont été les retours sur ce disque ? Plutôt très bon. C'est dur d'en parler comme ça, ouais. C'était aussi bien les gens que les chroniqueurs ont bien aimé. Des chroniques vraiment très, très enthousiastes. Des gens ont senti sans doute c'est dur de dire ça, la passion, le travail, tout ça qu'il y a derrière, je pense. Ils ont été indulgents avec les défauts. Je crois même qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Donc on les a bien camouflés. Voilà. Et c'est tout, mais c'est vrai qu'après, ce serait aux gens d'en parler, parce que moi, j'ai aucun recul, évidemment. Mais voilà, en tout cas, j'ai une super, très bonne surprise en voyant que voilà, les gens qui l'ont entendu, et qui sont évidemment fans de métal mélodique, on va pas parler de fans de reggae qui sont passés à côté, c'est dommage pour eux. Mais voilà, ouais, les gens qui aiment ce genre de métal, la Rhapsody, ont vu là un truc bien. À rajouter dans leur discothèque, apparemment. À moi qu'ils aient dit ça pour me faire plaisir. C'est possible aussi. Oh, je ne pense pas, car une de mes premières surprises à propos de Cantis a été une chronique élogieuse sur un site américain. Oui, bah là, ça fait partie des petites exceptions. Je dis exception, et là, c'est pas de la fausse modestie. C'est vrai que c'est surtout en France qu'on en a parlé. Point de vue international, il y a eu des gens qui sont plus curieux que d'autres, parce qu'évidemment j'avais pas des millions à mettre dans la promo, donc c'est seulement les gens qui sont curieux qui ont découvert cet album ou qui m'ont croisé sur MySpace, parce que j'ai fait un peu de pub. Et notamment, il y a des tas de petits endroits sur la planète, comme ça, des gens comme ça qui se sont dit il faut que je parle de cet album, il faut que je fasse une émission dessus, des podcasts, des choses comme ça, c'est ouais, il y a eu pas mal. C'était vraiment c'était émouvant. The Cosmos Inési est un concept album, au visuel très soigné et avec une histoire en toile de fond. Rappelle-nous le concept de l'album, s'il te plaît. Ah, c'est un concept très vaste, parce que au départ, effectivement, je voulais faire un album qui raconte un truc qui puisse s'étaler sur plusieurs albums. Donc là, on peut comparer franchement avec ce qu'a fait Rhapsody et d'autres groupes avant. Mais je voulais pas faire de l'heroic fantasy, je voulais plus aller vers ce qui me correspond moi, c'est-à-dire de la science-fiction. Mais là je dis science-fiction au sens large, parce que ça inclut aussi le merveilleux. Donc pour parler de Cantis, c'est une terre plate et infinie, un peu comme celle dont on a pu rêver quand on savait pas que la terre était ronde. Mais là, Cantis, c'est vraiment plat et infini, donc où qu'on aille tout droit, on rencontre toujours de nouveaux mondes, donc voilà, c'est vaste. Donc je pourrais faire 10 000 albums, il y aura toujours plus loin à aller voir. Et voilà, c'est une terre. Et au-dessus, dans les nuages, il y a des soleils, des lunes, des planètes, etc. Et ça fait donc comme des halos de réverbères. Sous chaque soleil, évidemment, ça fait un rond de lumière sous lequel la vie va éclore. Et puis après, tu as des zones d'ombre, des endroits comme ça. Il y a des tas de trucs barrés, baroques, tout ce qu'on veut. Des océans d'insectes, et des océans volants. Il y a beaucoup de choses qui volent dans mon monde. Ça, c'est une de mes obsessions, des continents volants. Donc, j'ai pas inventé le chaud. Hein. Il y a beaucoup de choses qui viennent de livres de science-fiction que j'ai lus. Mais j'ai voulu faire une sorte de melting pot de tout ce que j'aime. Et pour pas que je dérape trop dans les descriptions, parce que ça peut durer des heures, le concept du premier album, c'est tout simplement un type qui s'appelle un méganthrope, un type qui a des pouvoirs un peu télékinétiques, etc. Et qui vit très longtemps, je ne veux pas dire immortel parce qu'on n'est jamais sûr de ça, mais en tout cas il a de la bouteille, et qui se réveille un jour d'une de ses morts, et il se rend compte qu'une planète a disparu, une planète qui lui était chère, avec une amie qui elle aussi est méganthrope, et les deux ont disparu. Et tout l'album, ça raconte son voyage au travers d'une de ces régions de Cantis pour retrouver la planète disparue, donc c'est un prétexte à visiter des tas de monde, et chaque chanson est un peu un tableau qui illustre un bout de cette histoire, et beaucoup de changements de décor aussi. Voilà. Tu t'inscris dans un style assez particulier. On pourrait ironiser en appelant cela métal chevelu, comme ta coupe de cheveux le laisse penser. Mais plus sérieusement, Cantis est du power metal dans lequel on ressent des influences prog et folk. Pour ma part, étant néophyte, je ressens les influences d'un groupe comme Stratovarius, ou celles, plus lointaines, d'un groupe comme Led Zeppelin. Quelles ont été les influences que toi, tu revendiques ? Oui, mais c'est très très très vaste. Il y a deux types d'influences. Il y a celles qui seraient directes, Effectivement, Stratovarius ou en gras Rhapsody, tous ceux que j'ai déjà cités. Malmsteen, qui a été pour moi un déclencheur en tant que guitariste. Bon, il y a aussi beaucoup de musiciens de musique de film, c'est une facette que je revendique. Même si je ne suis pas un expert, hein, j'ai pas de diplôme de compositeur, j'ai juste appris sur le tas en essayant de reproduire. Heureusement, on peut faire des choses avec plein de flûtes, plein de corps, d'orchestre, avec des samples très réalistes. Donc avec un peu de patience et un PC qui fonctionne bien, on peut aujourd'hui faire des beaux arrangements, condition d'y passer du temps. Donc voilà, côté musique de film, Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, etc. Il y en a, pareil, la liste est longue, des classiques, hein, Tchaïkovski. J'aime bien le côté, tout ce qui est musique imagée. Je pense que c'est un truc qui revient beaucoup dans ma musique, c'est un côté très des images, donc le côté slave, un peu romantique, mais on peut dire mais romantique au sens premier du terme. Hein, c'est vraiment très, ça s'enflamme, il y a des choses comme ça. Toi, tu parlais de Led Zepp, mais on peut aussi parler de Pink Floyd, de choses comme ça. Mais ça, ce serait plus des influences indirectes. Je recoupe beaucoup de choses des années 70, même si c'est pas quelque chose que j'écoute intensément. Mais dans ma démarche, vu que je veux rajouter des flûtes, faire des parties lentes et chercher toujours des mélodies axées sur la beauté, on va dire. Même bon, il y a le côté speed, mais ça me gêne pas non plus de faire des trucs très lents. Et donc faire des musiques à ambiance. Donc les ingrédients sont toujours un peu les mêmes dans le rock progressif, donc on peut remonter aux années 70. Et j'en ai écouté quand même pas mal, hein, mais globalement j'écoute plus de métal. Mais alors de la même façon, il y a les influences celtiques. Elles viennent aussi d'un hasard, des rencontres. Hein. C'est-à-dire, je me suis retrouvé un jour, il y a bien 15 ans maintenant, dans un groupe de thrash metal qui s'appelait Mind Rage. Le leader Thomas a voulu tout à coup retrouver ses racines et faire de la musique bretonne. Parce qu'il est en moitié breton. Et là, je me suis retrouvé, sans le savoir, enfin, c'était pas prévu, c'était pas prémédité, on s'est retrouvé pendant des années, à faire tous les bars bretons et irlandais de Paris, et je me suis retrouvé avec un banjo, et je trouvais ça éclatant, c'est-à-dire que c'était une manière très simple de faire de la musique très mélodique, sans électricité, sans rien, on revenait à quelque chose de très, très simple, et il usait des flûtes. D'ailleurs, il se retrouve, il est présent sur l'album hein, The Cosmocinesi. Et puis donc l'équipe du Null Band, hein, c'est pareil, ça c'est la continuité, il y a beaucoup de personnes en commun que j'ai recruté pendant les enregistrements de Cantis pour faire ce qu'ils savaient faire le mieux, c'est-à-dire soit de la flûte traversière pour Dimitri, des percus et du Yulen Pipe pour John, donc John Lang, Pain of Chaos. Donc l'influence celtique, parce que tout simplement j'ai un peu baigné dedans, et même beaucoup. Dimitri, John Lang, avec lesquels tu joues au sein du Null Band. Mais en plus des concerts que tu fais avec ces derniers, y a-t-il des projets de scène pour Cantis, pour toi et les autres membres du groupe ? Je sais qu'un bassiste vous a rejoint récemment. C'est sur le point d'être mis en place, c'est-à-dire que j'ai pas encore de date, sinon j'en annoncerai, mais c'est vraiment imminent. Je voulais pas faire les choses à l'envers, c'est-à-dire que je voulais d'abord recruter le bassiste qui manquait. En fait, il n'y en a jamais eu officiellement. Hein. Il y a eu un ami, Cyril Virez, qui m'a aidé sur deux ou trois morceaux. Après, il a plus eu le temps, j'ai fini l'album tout seul. Mais bon, évidemment, sur scène, c'était un peu dur de faire la basse et la guitare. Il fallait que je recrute. J'ai mis pas mal de temps parce que je suis un peu tatillon. Et puis voilà, je voulais quelqu'un qui ait vraiment un niveau, comme il faut. Et voilà, donc il s'appelle Frédéric Charpentier, le dernier arrivé. Et on va répéter intensément cet été. Et à partir de la rentrée, donc je donne pas de date, hein, ça va être septembre, octobre, sûrement une date à Paris, probablement une date à Vannes, parce que c'est là qu'est Aurélien, notre batteur. Donc lui, sur place, il connaît du monde. Donc là, je vais essayer de faire fonctionner le bouche-à-oreille et puis m'improviser manager et tour manager et passer des coups de fil, envoyer des emails, etc. Voilà. Je commence, là, je suis en plein dedans parce que j'attendais effectivement d'avoir une formation avant de programmer des concerts. Voilà. Des concerts, une formation stable, un album. Toi qui es un guitariste supersonique, que peut-on te souhaiter sinon un succès fulgurant ? Ça ira peut-être pas vite, je suis pas. Je peux aller vite sur un solo, mais je prendrai le temps qu'il faut pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps pour faire ce premier album, j'irai un peu moins lentement pour le deuxième, mais j'aime aussi le travail de fond, donc je vais pas précipiter, je vais pas confondre vitesse et précipitation, donc les choses vont être faites lentement mais sûrement. Et si ça va plus vite, tant mieux, mais je. Voilà, ça j'en décide pas, c'est aussi le public qui décidera si ça va vite ou pas. Tranquillement et solennellement, comme les soleils au-dessus des terres de Cantis. Merci pour cette interview.